mind got cheese pour death killer. C'est le grand vertige, il m'achoppe garanti. Petit âge, fuck grinty, ça a peur de dégain. Ça file pour pas un, on veut brasser comme les parrains. Pour ensuite stayer loin, être entouré des frangins. M6, faut que ça trace, votre chopé go face. Tempérament néfaste, le tempérament face. À cette envie de croquer le monde, on voudrait que le fric inonde. Sans plus aucune scène immonde. Les années 2000, c'est là où tout part en vrille. Défilé de mode en ville, fashion sur toutes les filles. Les fachos sont dans toutes les filles. Mais le roi est toujours le fric, pour trop en la trique. Remballe tout tes low kick, la poudre à 100 millions d'amis. Donc oublie le tatami, si c'est rue, bitume. Crapule, pavé, qu'on écume. Malgré ce manque de thunes, on se tanque à l'itunes. Son sanglant pour une génération de bouillants. C'est le grand vertige, frère, est-ce que tu piges? L'homme s'auto-détruit, l'entraide c'est bon oubli. Y'a plus de passion, maintenant c'est tout pour le fric. Putain de génération, y'en grandit trop vite. C'est le grand vertige, frère, est-ce que tu piges? L'homme s'auto-détruit, l'entraide c'est bon oubli. Y'a plus de passion, maintenant c'est tout pour le fric. Putain de génération, y'en grandit trop vite. Les rappeurs passent à la tête, oh, et les frères à l'héros. Sarko joue le héros, nous on le visionne au micro et ponctionne les mythos. En parlant de clito, j'aurais percé et vendu. Préférant représenter les rouges, je vois un avenir tendu. Cramant au studio, je me sens bien non vendu. Si un jour ça paye, je cracherai pas dessus. Changerai pas de la veille, mes frères seraient pas déçus. Durant ce temps, je rappe sur la prod à ZAP, je frappe. Les faux, je les zappe, le terrain, je le tape. Ça y est, je m'élance à fond, appelle-moi le démon. Manie pas un démon, manie le micro pour les rouges. Un seul message en tête, je persiste en tête. Tu me diras que c'est bête. Bête mais réel, c'est au rap je me mêle. Et dans ce pêle-mêle, j'arrive à sortir la tête. Oh les fous vous êtes, je suis là et je vois aucun mec. C'est le grand vertige, frère, est-ce que tu piges? L'homme s'auto-détruit, l'entraide c'est bon oubli. Y'a plus de passion, maintenant c'est tout pour le fric. Putain de génération, y'en grandit trop vite. C'est le grand vertige, frère, est-ce que tu piges? L'homme s'auto-détruit, l'entraide c'est bon oubli. Y'a plus de passion, maintenant c'est tout pour le fric. Putain de génération, y'en grandit trop vite. On a fait le grand saut, manier mot et stylo. Ça y est, t'es outré, elle va te faire enculer. On continue même sembler, tu te calques, c'est ce qui me semblait. La vague va te balayer, l'un de rien que ça a de vrai. Une fois qu'ils ont percé, rare reste vrai. Des jazz qui le sont restés, m'ont donné envie de rapper. Comme FF et le 3, loup, t'y accache. Bouge avant que ça hache. Les bling bling, on les laisse au mytho. Le king king ne fait jamais le beau. Pas armé sur les photos. Les steaks pas ici, artaille, remballe les missiles. Tu vas te faire sauter, imbécile. Caille dans papier mâché, c'est de votre faute, les clichés. Rappé au lieu de clasher, les magazines pour vous cacher. Dehors marche la tête baissée, de peur de se faire baiser ou qu'on sache la vérité. Allez s'il vous plaît arrêtez, on a marre de rigoler. C'est le grand vertige, frère, est-ce que tu piges? L'homme s'auto-détruit, l'entraide c'est bon oubli. Y'a plus de passion, maintenant c'est tout pour le fric. Putain de génération, y'en grandit trop vite. C'est le grand vertige, frère, est-ce que tu piges? L'homme s'auto-détruit, l'entraide c'est bon oubli. Y'a plus de passion, maintenant c'est tout pour le fric. Putain de génération, y'en grandit trop vite. C'est le grand vertige, frère, est-ce que tu piges? L'homme s'auto-détruit, l'entraide c'est bon oubli. Y'a plus de...